っとだけよ。 Bonjour, c'est Damien et vous êtes en train d'écouter le podcast Animer nos mélodies, spécial Digisong Christmas. Mon invité aujourd'hui, c'est le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va depuis l'année dernière? Et oui, c'est vrai, l'année dernière, vous aviez animé l'émission tout seul. Eh oui, je m'étais bien amusé, bien que, à un moment, je sais pas pourquoi, les gendarmes ont couru après. Enfin, c'est un mauvais souvenir. Mais c'est loin, c'était l'année dernière. Bien sûr, oui. D'accord, bon. Alors, est-ce que vous pouvez présenter cette émission, nous dire qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon petit gars. Enfin, c'est ce que tu m'as dit de dire, donc je vais répéter, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, il y a des invités qui vont vous souhaiter un joyeux Noël tout en vous donnant leur chanson qu'ils aiment beaucoup. Vous parlez pas bien français, là, monsieur Père Noël. J'ai pas l'habitude de faire de la radio, moi, mon petit gars. Bon, alors je vais répéter pour nos auditeurs. Donc, il y a des invités. Eh oui, c'est ce que je viens de dire. Bien sûr. Et chaque invité va proposer deux titres. Ça peut être des openings, des endings, ça peut être des chansons récentes, des chansons un peu moins récentes, en français ou en japonais. Même en japonais? Ah bah oui, on est quand même dans une émission qui parle normalement de la musique japonaise. Ah bon? Bon bah ok. C'est parti alors, hein, je crois. Oui, bien sûr, c'est parti. Alors écoutez, on se retrouve tout simplement à la fin de l'émission. Comment? On va nous entendre que très peu alors. Eh oui, Père Noël, je suis désolé, mais au moins, vous serez pas en retard pour faire votre tournée, tout simplement. Oh, ok. Eh ben alors, tout à l'heure, les enfants. Allez, à tout à l'heure. Et je vais en profiter pour appeler la police, parce que c'est très très bizarre ce qu'il a dit tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Gigi de RadioAnime.net. Je suis de passage sur Anime nos mélodies. Pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, à bientôt. Et les chansons choisies par Gigi sont l'opening de Touch ainsi que l'opening de Captain Tsubasa. 知らずに過ぎてゆくのに 話にこんにちは。 En direct du Canada pour le spécial de Noël de Animer nos mélodies. Mes deux demandes spéciales sont les suivantes. La première, c'est Tobira wa Akete de Cardcaptor Sakura et la deuxième, c'est Kiseki no Umi de Record of the Lotus War. Merci beaucoup et joyeux Noël tout le monde! Salut, c'est à nouveau le Père Noël. Bon alors, il y a Thibaut qui devait faire un message, mais il n'a pas eu le temps de le faire, alors je suis obligé de lire son texte. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, le chelou de service? Alors, c'est Thibaut, salut tout le monde, c'est Thibaut de la web radio anime.net. Pour Noël, j'écoute Shishiwomoge de l'anime Zatch Bell. Ça fait bouger son popotin et les paroles sont tarées. J'écoute aussi Dragon Ball, le générique en français par Ariane, pour danser et chanter à tue-tête Dragon Ball. Passez un Noël amazing. À bientôt. Chichi wapai, boing boing, moge moge moge. Moge moge moge, chichi wo moge, moge puririn poyo moge. Moge pororom puyom moge, mamaru chichichi sankaku oppai, roketto boy. Yasushiku ikinari bimyou ni renzoku. Chichichichi oppai, boim boim. Chichichichi oppai, boim boim. Moge. Moge moge moge, chichi wo moge, moge. Moge moge moge, chichi wo moge, moge poyoyon pai moge, moge pai in poi moge. Shima shima chi chi chi o saru no oppai bazooka boy. Kyō mo ashita mo tonikaku mae ni chi chi chi chi chi oppai boy boy chi chi chi chi oppai boy boy moge moge moge moge. Chichi wo moge, moge. Mate mate. Tsukamaete goran. Op, os. Ah, sore. Tsukamaeta. Iya, soko wa poin yo. Chichi chichi wo pai. Boing boing, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, hey come on, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, chi chi chi chi wo pai. Boing boing, hey moge moge moge moge, chi chi wo moge. Pour gagner Bonjour à tous, c'est Olivier de Crunchyroll, plateforme de diffusion d'animés en streaming en ligne, et je vous propose pour ce podcast spécial Noël d'écouter tout d'abord Talking par Kana Boon. C'est en fait le générique de début de la série The Perfect Insider, Subitega F. Ni Naru, dont nous avons diffusé les épisodes cette année justement sur Crunchyroll. Il sera suivi ensuite de Starting Over par Mr. Children. C'est le générique de fin du film Le Garçon et la Bête. Comme vous le savez, ce film est sorti l'été dernier au Japon. C'est le dernier film de Mamoru Hosoda, le réalisateur des Enfants Loups. Et on aura la chance de le découvrir très bientôt en France puisqu'il sort au mois de janvier. Bonne écoute et passez de très bonnes fêtes à l'écoute d'Animer nos Mélodies. I'm not afraid of the dark. 隠し持った散弾銃で仕留め、今度こそ躊躇などせずその引き金を引きたい。あいつの正体は共栄心、失敗を恐れ上げられ浮き足立て膨れ上がった自尊心、さあ乱れた呼吸を整え、指先に意識を集めていく。僕だけが行ける世界で銃声が届く、眩しい儚い閃光が駆けてった。何かが終わりまた何かが始まる。モンスターの目の奥に孤独と純粋さを見つけ、捨てられた子猫みたいに体を丸め怯えてる。ああこのままの僕で繋いで鳴らしてくことができたなら、いくつもの選択肢と可能性に囲まれ探してた望んでたものがぼやけていく。何かが生まれまた何かが死んでいくんだぞ。 Bonjour à tous, c'est Mao de la chaîne Watashiwat. Je m'amuse à vous présenter des mangas de manière dynamique et qui est, je l'espère, humoristique. Et pour l'occasion, j'aimerais vous faire écouter le générique français de Juliette Je t'aime, car même si le manga est un peu fifi, je reste fier d'avoir vu le dernier épisode. Pour le second titre, il s'agira du titre We Are, mais chanté par l'équipage. Vous l'aurez compris, c'est de One Piece que je parle. Je trouve l'idée originale et c'est un pur bonheur pour les oreilles. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

C'est Yann Kouza. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube où j'aborde la culture otaku sous différents concepts comme Otakuza ou Drama Shot. Mes deux titres pour ce anime no mélodie spécial sont l'ending Get What par Nao, entendu dans le film City Hunter Goodbye My Sweetheart, et l'opening de l'anime La Scène No Oshi, plus connu en France sous le nom de La Tulipe Noire. Let's go DJ! Thank you. si tobe tobe nagare boshi kento kento no hibana ga ano sora ni tonde kagayaku akatsuki no hoshi ni naru ano si yoru no kurasa o kiri taku tame ni oh liberté no tsurugi o C'est à mon tour, c'est moi Yota. Alors mon choix s'est porté sur deux chansons bien différentes. La première chanson est en fait une chanson thème d'un animé qui se nomme Sora no Woto. C'est un animé qui a 4 ans je crois maintenant, 4 ans ou 5 ans. Et la chanson se nomme donc Servante du Feu. Et pourquoi son titre est en français? Parce que tout simplement c'est une chanson qui est chantée en français. Le deuxième titre est un peu plus ancien, on va dire même assez ancien, ça date des débuts des années 80, puisque c'est l'opening de Tetsuan Atom, Astro le petit robot. Vous allez remarquer en l'écoutant que c'est le même que celui du générique français, mais la musique est un peu différente, puisque la version française a été totalement refaite, mais dans le même esprit, la même musique, c'est ça qui est assez rigolo. Et cette fois-ci, c'est non pas chanté par un chanteur, mais par des enfants. On a bientôt terminé cette émission. Je laisserai la parole par la suite au Père Noël. A tout à l'heure! Aimerais-tu en ce monde voir quelque chose s'effacer et que l'air soit plus pur, le cœur des hommes transformé? Mince alors, je crois que c'est à mon tour de donner deux titres que j'aime bien. Et comme je connais rien, c'est un peu compliqué. Écoutez, voilà, je vais vous parler d'un titre d'une chanson qu'un petit garçon m'a donné dans sa chambre lorsque je suis allé le visiter. Tout honneur, attention, ne commencez pas à appeler les gendarmes. Non, il m'a juste dit, voilà, j'aimerais bien que la prochaine fois que tu passes dans un animé nos mélodies, tu passes la chanson d'un vieux dessin animé que mon papa m'avait montré. Ça s'appelle Sky Hurricane, une série qui s'appelle Shukigyu Seki Orgus. C'est très très vieux, ça date des années 80. Alors je m'exécute. Et ensuite, le petit garçon, il m'a aussi dit, j'aime beaucoup aussi un dessin animé de Ghibli qui se nomme Mimi Wasuma Seba, avec une chanson qui se nomme donc Country Road, mais dans une version donc japonaise, puisqu'il existe une version américaine. Et ben alors c'est parti, je crois que j'ai fini ma partie aussi. Yeah. 込めて強い自分を守っていこう感じろこの虹ずっと行けばあの街に続いてる気がする感じろどんな寂しい時だって決して涙は見せないで心なしか包丁が早くなっていく思い出 Voilà, ce spécial Anime No Melody Omake Gigi Song Christmas est terminé. Je remercie tous les invités. Irulan, Gigi, Thibaut, Watashiwat, Yann Kuza, Oli Efale de Crunchyroll et le Père Noël. Oui, il faudrait bien me remercier un tout petit peu que je suis juste de passage, mais quand même. Oui, je sais, Père Noël, merci à vous d'être passé. D'ailleurs, j'ai appelé une voiture pour vous, pour que vous puissiez repartir. Oh, c'est vrai, c'est gentil. Oui, oui, il y a des messieurs gentils qui vous attendent juste à l'entrée. Oh, c'est trop gentil. Tu as l'esprit de Noël en toi, je le savais. Ouais, je sais, ouais. Allez, à très bientôt, Père Noël. À bientôt, les enfants. Bonjour, messieurs. Oh, mais... Venez par là, monsieur. Venez par là. Noël, mais il neige pas, vous mettez savez. Ça, mais pourquoi vous me mettez... Allez. Sol. Mais non, mais allez, monsieur, sortez. Je suis vraiment le Père Noël. Sortez la seringue, vite. Sortez la seringue. Moi, je vous dis, je suis vraiment le Père Noël. Oh, je connais le père résident des États-Unis. Oh.